On va y penser. On a le quorum pour ça. Et tout ça pour dire que vous savez très bien qu'on a commencé le livre d'Ésaïe. Et le conseil, l'Esprit de Dieu ayant dirigé le conseil des anciens vers cette direction-là. Donc les deux dernières semaines, l'Église était là-dessus, sur la présentation, l'introduction du livre d'Ésaïe. Il y a eu Christian et Landry qui nous ont présenté le livre dans le contexte de l'Ancien Testament. Je ne vais vraiment pas revenir là-dessus, sinon on va manquer le temps. Et ensuite, la semaine passée, Christian nous l'a présenté dans le contexte d'Ésaïe lui-même. Il nous a présenté le contexte du livre d'Ésaïe lui-même. Et cette semaine, j'ai vu que j'étais cédulé pour le chapitre 1. J'ai trouvé ça ardu, pour être honnête avec vous. De préparer un enseignement, c'est la première fois que je prépare un enseignement dans un texte de l'Ancien Testament. Et il faut lire énormément de choses à côté pour bien comprendre ce qu'on dit, ce qui se passe. Et le défi pour moi ce matin, ayant lu beaucoup de choses à côté dans les autres textes des Écritures, c'est de rester concentré dans Ésaïe, dans le contenu d'Ésaïe. Donc, armez-vous de patience et restons ensemble là-dessus. Il y a beaucoup de chronologie que Christian nous a envoyé. Vous avez reçu un message de Tatiana cette semaine qui disait qu'il y a un lien disponible pour ceux qui veulent consulter les documents que Christian et Landry ont préparés. Ce sont des documents très intéressants, en fait, qui aident à la compréhension du livre. Si jamais vous ne les avez pas reçus, je vous encourage fortement à y jeter un coup d'œil dans ces documents. Est-ce que jusqu'ici, ça va? C'est rouge, mais à mesure qu'on va descendre, ça va devenir blanc. La couleur n'y accordait pas d'importance. Ce qui se passe, c'est que depuis que Dieu a créé le premier homme, il y a un problème de rébellion de l'homme à l'égard de Dieu. Et vous connaissez l'histoire d'Adam par rapport à ça. Et ce problème de rébellion est davantage mis en évidence quand Dieu donne la loi à Moïse, et qu'il fait habiter un peuple qu'il a créé sous Abraham pour obéir expressément à ces commandements-là, dont les transgressions se multiplient. Pourquoi? Parce qu'on a plus de commandements et qu'il nous est impossible de vivre fidèlement en fonction de ces commandements-là. Donc le problème de rébellion devient évident avec ce peuple-là, qui est un problème de tout le monde, de toute l'humanité. Et cette rébellion prend plusieurs formes. Des fois, c'est un affront à Dieu. Des fois, c'est plus subtil. C'est des raisonnements, c'est des justifications. On s'appuie des fois sur nos expériences passées, sur des circonstances particulières pour résister à Dieu. Des fois, c'est un manque de foi, simplement. Un manque de foi à Dieu, que Ésaïe appelle le Saint d'Israël, l'Éternel des armées, ou encore le fort d'Israël. Alors, pour résoudre ce problème de rébellion, Dieu, l'Éternel, le fort d'Israël, le Saint d'Israël, a pris un corps humain. Il est venu sur la terre pour réconcilier l'homme avec lui. Et Dieu marchant sur la terre, on l'a appelé Jésus. Et on vient de finir Matthieu, on parlait beaucoup du royaume des cieux dans Matthieu. Donc, quand Jésus arrive sur la terre, qu'il ouvre la bouche pour commencer à parler, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 3? Ça vous dit quoi, repentez-vous? Changer de conduite. Changer de cœur vis-à-vis de Dieu. Changer d'attitude à l'égard de Dieu. Et avant, juste avant lui, Jean-Baptiste disait la même chose au peuple. Changer de cœur, changer d'attitude à l'égard de Dieu. Pourquoi? Le royaume des cieux est proche. Ça vous dit quoi, le royaume des cieux est proche? Ne me dites pas que Jésus revient, on le sait. Il revient. Il revient bientôt, c'est un fait. Ça veut dire que le jugement est arrêté. Le jugement est proclamé. C'est la fin de toute chose. Jésus n'est pas là pour négocier avec qui que ce soit. Le jugement est là. Et on n'a pas d'autre alternative si on veut vivre dans l'éternité avec Dieu que de changer d'attitude. Parce que la fin de toute chose est proche. Et nous aussi, quand on va regarder Matthias, ah, tu étais déjà avancé. Donc, quand on va regarder ce matin Israël, il faut regarder les yeux sur nous-mêmes. Et j'ai pris le texte je l'ai divisé en quatre points, en quatre parties, qu'on va regarder ensemble. On va d'abord le lire. Tu peux peut-être reculer, Mathias, s'il te plaît. Merci. Et le but, c'est de montrer que les choses que Dieu a dites à Judas par la voix du prophète Ésaïe sont d'autant plus vraies, sont d'autant plus pressantes pour nous aujourd'hui qui vivons au temps de la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Donc, on va lire le passage. Il est long, c'est 31 versets, c'est le chapitre 1 au complet. Ésaïe, chapitre 1. Il me semble qu'on avait un deuxième micro. Je vais souvent me tourner. J'avais prévu d'avoir mon ordinateur devant moi, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes dans Ésaïe? Parfait. Prophétie d'Ésaïe. Pour ceux qui lisent français courant, ça dit révélation. Sur Judas. Donc, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Judas et Jérusalem. Merci, Jeff. Au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous affligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et le cœur est souffrant. De la pointe du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent, ils détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions semblables à Sodome, nous serions comme Sodome, nous serions semblables à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je fait de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et des graisses des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes, j'en ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir les crimes associés aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Ils me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent est chargé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment des présents, courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, tes conseillers tels qu'ils étaient auparavant, au commencement. Et après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme une térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Compliqué, hein? C'est long? C'est bon? D'accord. Ce n'était pas ma volonté de tout enseigner, tous les textes ce matin. Je respecte la charge de travail qui m'a été donnée. Prions qu'on puisse parcourir le texte ensemble. Avant d'aller dans les quatre points, je ne m'attarderai honnêtement pas sur le verset 1, les rois qui sont mentionnés ici, parce que c'est des choses qu'on va revenir beaucoup en détail dans les autres parties historiques du livre, et qu'on n'aura pas le temps de parler en détail de qu'est-ce qui se passe sous chacun des rois. Par contre, l'André a fait ce travail. Il a fait un document, un fichier, avec un résumé des événements sous chacun des rois. Et ces documents sont dans la liste des documents que Christian a mis à notre disposition. C'est vrai, non, l'André? Bon. Par contre, on pourra parler un peu d'Ézéchias. Pourquoi? Parce que, d'après les études, les analyses que j'ai pu vérifier moi-même hier, pas parce que je vous manque de confiance, effectivement, il se trouve qu'il y a les livres et la rédaction de ces livres commence à la fin de la vie du roi Ézéchias. Et les circonstances à cette époque-là méritent d'être mentionnées ici. Donc, le chapitre 1, en gros, c'est la préface du livre. Ça plante le ton et le décor du livre. Et on voit les promesses, on voit des jugements, on voit l'état du cœur du peuple. C'est la préface du livre. Donc, le but pour moi, c'est vraiment de présenter la préface du livre. Ce n'est pas d'entrer en détail de chacun des points. Par contre, le verset 2. Dites-moi un peu le verset 2. C'est écrit, « J'ai nourri et élevé des enfants. » Ça veut dire quoi, ça? Il y en a beaucoup ici qui ont des enfants. Des grands, des petits, et même des petits-enfants. Ça veut dire quoi? J'ai nourri et élevé des enfants. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme effort? Beaucoup? C'est gros? Beaucoup d'implications? Émotionnelles? Persévérance, beaucoup d'amour. Est-ce que c'est vrai ça, Samuel? Beaucoup d'écoute. Oui, Valérie? On se donne continuellement. Il n'y a pas de répit. Mais c'est étrange hein, que quand il dit « J'ai élevé et nourri des enfants », au verset 18, il dit aux mêmes enfants « Venez et plaidons ». Comment donc un parent, un père, qui a fait ce qu'on dit continuellement, beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts, arrive à appeler, à plaider? Est-ce que ça nous, on irait en jugement, en justice avec nos enfants? Peut-être pas à la première faute, mais s'ils commettent un crime, qu'ils persistent dans les crimes, peut-être, pourquoi pas? Oui? Quand Dieu dit « cieux », écoutez, terre prête l'oreille. Quand Dieu prend à témoin les armées des cieux, les nations de la terre, pour plaider avec son peuple, c'est qui Israël en passant? Ici, on parle spécifiquement de Juda, mais ça touche aussi Israël. C'est le peuple de Dieu. C'est son enfant. Qu'il chérit, qu'il aime. Est-ce qu'il y a un autre peuple sur la terre qui détient les promesses, les alliances de Dieu? On connaît l'histoire de ce peuple. Ça vient de loin. Ça vient d'un homme que Dieu a choisi dans la maison de son père. Il lui a dit, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je vais te montrer. Il lui a fait des promesses. Ils sont pour l'humanité le canal des bénédictions. C'est au travers d'eux que Dieu nous parle. Il nous représente. Quand Dieu en arrive avec eux à dire, venez et plaidons en présence de l'assemblée des cieux, et de toutes les nations de la terre, ce qui est un sérieux problème. ce n'est pas que Dieu a atteint les limites de sa patience. C'est que l'enfant, là, sa conduite est irréversible. Okay? C'est irrécupérable. Alors, plaidons. Autrement dit, expliquons-nous en français courant, dans la version de la Bible en français. Expliquons-nous. Mais, pour mieux regarder ça en détail, Mathias, on va regarder en détail. Est-ce que vous voyez? Vous m'entendez aussi? Ah bon, tant mieux. Là? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu en arrive à dire venez et plaidons? C'est beaucoup l'histoire dans les rois, Michée, Esdras, les chroniques, même Jérémie. Ils se sont révoltés contre moi. Ils ne connaissent rien. Au verset 3, mon peuple n'a pas d'intelligence. Quand Dieu dit se sont révoltés contre moi, c'est grave, hein? C'est pas va laver les assiettes, non maman, ça me, je suis fatigué. C'est pas de cette révolte-là qu'il parle. C'est que maman, là, je veux changer de maman. Fini. Je vais être adopté par quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'ils veulent changer de Dieu. Ils veulent servir d'autres dieux. Ils veulent aller après d'autres dieux et leur pays est rempli d'autels de ces dieux-là. Ils n'ont pas d'intelligence, ils ne connaissent rien, c'est grave. Dieu, en donnant la loi, avait dit, les peuples vont dire en regardant votre loi, waouh, quelle intelligence. Vous vous souvenez d'Élie, le prophète? Une petite anecdote. Cet homme, qui désespérément aussi pense être resté le dernier en Israël à être fidèle à Dieu, assemble le peuple. Il y a d'un côté les prophètes de leur dieu Baal qu'ils servent, parce qu'ils ont abandonné Dieu. Et Élie est seul. Élie dit au peuple, soit l'Éternel est Dieu, et venez avec l'Éternel, ou Baal est Dieu, et allez avec lui. Qu'est-ce que le peuple dit? Rien. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. On va à gauche ou à droite? Comment Israël en arrive là avec Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens savent que Dieu est Dieu? Non? Bon. Alors, Dieu fait un miracle. Il manifeste sa gloire et naturellement, les prophètes de Baal sont couverts de honte et ils vont tous mourir sous la main d'Élie. Et là, le peuple dit, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il avait oublié. Il multiplie les révoltes. Le cœur est souffrant. C'est ça qui intéresse Dieu, le cœur. Les chefs sont rebelles, complices des voleurs. Les versets de ça, c'est plutôt le verset 23. Ce qu'on fait ici, c'est de regrouper tous les points qui montrent que la relation du peuple avec Dieu, la communion du peuple avec Dieu n'est pas en bon état. Ils ont brisé avec la multiplication des transgressions leur relation avec Dieu. Donc ça c'est notre premier point pour montrer que ça c'est Israël à l'époque, on dit, aujourd'hui encore. Mais au moment où Isaïe parle, qui s'adresse directement à Juda, mais aussi Israël est concerné, le reste du pays est concerné, Ça décrit le cœur de l'homme, peu importe le pays, peu importe la génération, peu importe l'époque. Ça décrit le cœur de l'homme qui est rebelle à Dieu. Et cet environnement, cette attitude qu'on voit ici dans Isaïe, l'humanité aujourd'hui est séparée de Dieu. Parce qu'ils sont rebelles et qu'ils se sont révoltés contre Dieu. La bonne nouvelle, verset 9, Dieu dit, je me suis conservé un reste, un faible reste. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions semblables à Sodome, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Vous vous souvenez qu'est-ce qui est arrivé à ces villes-là? Toutes détruites. C'était où ces villes-là? Est-ce qu'on sait? Au sud de la même Haute. On peut spéculer. L'idée, c'est que c'est tellement détruit que... Autrement dit, si Dieu ne nous a pas conservé un faible reste, semblable à Sodome, ça veut dire quoi? Fini. Au moment où il parle, Mathias, est-ce que tu peux afficher le gros document dont je t'ai parlé, que Christian et Landry nous ont présenté? Le faible reste, en fait... Il écrit ces choses-là sous Ézéchias. C'est ça, hein? C'est ça, Landry? Merci beaucoup. Ézéchias, il est là. Ozias, pardon. À droite. Il est là, merci. Ils finissent par Yas. Il est là, il a rayé 29 ans, il est devenu roi à 16 ans, c'est la belle vie, un peu comme Mathias, c'est ça, hein? À peu près 16 ans. Là. Imagine-toi un roi, là, mais il faudrait que Samuel ne soit plus. Ça va? Et ici... À la septième année, honnêtement, je ne sais pas c'est où ta septième année dans ce graphique. À la septième année de règne de ce monsieur-là, de ce roi-là, à la sixième année, pardon, le reste du pays Israël est déporté. Et pendant ce temps-là, c'est lui ici, Osée, qui est roi en Israël. Et la Judée, d'où, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on ne va pas rester longtemps, je vous promets. D'où Ézéchias est roi, elle est entourée par un chef, le roi assyrien, qu'on appelle ici, et peux-tu aller un peu plus, qu'on appelle ici Sanchérib. Il entoure le pays. Ok? Il entoure. L'armée entoure le pays. Israël est parti. Là, Esaïe dit, mon Dieu, si Dieu ne nous avait pas conservé un faible reste, Judas, là, on serait tout à fait fini aussi. Et quand on arrive dans la prochaine diapo, tu peux aller dans la prochaine diapo, Mathias. Ah, vas-y encore. Quand on arrive ici, que Israël a totalement perdu sa gloire, il décrit l'état dans lequel se trouve le pays. Donc verset 7, verset 8, verset 9. Le pays est donc dévasté, des étrangers qui dévorent les campagnes, les Assyriens, sous leurs yeux. Sion là, c'est des Judas, qui sont beaucoup plus en bas d'Israël. Il décrit comme... ils sont comme, dans Israël, ils sont comme devenus une petite cabane au milieu de nulle part. Là. Pourquoi? Parce que leurs frères sont partis en déportation, puis Israël est entouré, ils sont envahis. Ils sont comme une cabane, c'est la désolation totale, comme une hutte, comme une ville épargnée, mais pas pour longtemps encore, hein. Pas pour très longtemps, parce que plus tard, eux aussi vont partir en déportation. Mais jusqu'ici, quand il écrit le chapitre, ils sont là. Et Isaïe nous rapporte cet environnement-là. Verset 21, la cité fidèle, Jérusalem, dans laquelle Dieu a dit, mon nom va habiter dans cette ville. Ma gloire va habiter dans cette ville. Quand Salomon a fini de bâtir son temple, le temple de Dieu, vous vous souvenez? En disant à Dieu, je sais que tu n'habites pas dans des mains faites de mains d'hommes. Les cieux des cieux ne peuvent même pas te contenir. Mais quand même, on a fait ça pour venir te brûler du parfum devant toi, te présenter les holocaustes du matin et du soir. Ce que nous te demandons, c'est que quand nous allons crier à toi du fond de notre détresse, et que nous venons te prier dans cette maison, exauce-nous. Si nous ne sommes pas ici, que nous sommes quelque part, si nous prions en regardant dans la direction de cette maison, vers cette maison, exauce-nous. Là est le temple. Là est la gloire de Dieu. Et de cette cité qui autrefois était remplie d'équité et de justice, prostituée dans le langage dans l'Ancien Testament, c'est souvent l'adoration d'autres dieux. Qui est devenue une prostituée. Donc, on voit le peuple, l'état du peuple, voilà leur pays occupé. Israël parti, eux, ils sont envahis, ils sont entourés. Ézéchias, vous connaissez l'histoire autour, il a peur, c'est celui qui va prier, Isaïe va l'aider à prier, Dieu va exaucer. Jusqu'à... Mais pour l'instant, il y a l'ennemi autour. Judas est envahi, est entouré par ses ennemis. C'est qui Judas? Parce qu'on dit le royaume de Judas, le royaume de Judas, oui, mais originellement, c'est qui Judas? Je vais vous lire c'est qui Judas. Pour comprendre la gravité de la situation. Oui, Jacob a eu 12 fils, oui. Les 12 tribus d'Israël, oui. Une fille dont on ne parle pas après, Dina. Oui, Judas, c'est son quatrième fils. Après, Robin, Siméon, Lévi, Judas. D'accord. Mais spirituellement, c'est qui Judas? Son père, avant de mourir, l'a béni en disant. Je suis dans la Genèse, chapitre 49. Merci. Oh mon Dieu. Ah, c'est pas Dieu, c'est Gilles. Oh Gilles. Judas, tu recevras les hommages de tes frères qui sont en captivité déjà. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Non, sa main n'est pas sur la nuque de ses ennemis, il est entouré ici pour l'instant. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que les peuples lui obéissent. Voilà Judas. À cause de quoi? La rébellion contre Dieu. La rébellion. Nous, on est au Québec, on n'est pas entouré. Les Américains sont au sud, je ne sais même pas qui au nord. Les Russes, c'est ça? Oh mon Dieu, on est entouré. Alors, mais on n'est pas physiquement comme ça, mais spirituellement, nous sommes tout aussi dévastés. Où sont nos croyances? Où sont nos valeurs? Le respect des aînés, il n'existe plus rien du tout aujourd'hui. Et rien du tout. On parlait vendredi avec les jeunes. On avait un jeune ami de Mathias là, qui venait, qui n'est pas croyant, là, mais qui venait parmi nous. On parlait, mais être comme serviteur de Christ et soldat, comme c'est écrit dans 2 Timothée. Mais c'est quoi ça, un soldat? Il disait, mais il faut demander à M. Croteau parce qu'il a été soldat. Mais il avait de bonnes réponses, ce garçon-là. Respectueux, fidèle. C'est vrai. Mais dans la société de nos jours, c'est des paroles. Vide de sens. Mais nous, comme aujourd'hui, comme à ce temps, nous sommes un reste. Un reste que Dieu s'est réservé pour sa gloire. Regardez de quelle manière il parle de ces restes. Je vous ai dit, j'étais obligé de lire à côté. Il parle de ces restes dans 2 Rois en disant, en parlant de la situation ici et de la déportation qui s'en vient, ce qui aura été sauvé de la maison de Juda et ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessus et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem sortira un reste et de la montagne de Sion des rescapés. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel, les amis. Nous sommes un reste. Les restes de l'Éternel qui se propage, qui pousse par la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, Mathias, peux-tu revenir plus haut, s'il te plaît? Le premier point, le peuple a rejeté Dieu. Le pays, la conséquence de ça, là, c'est que le pays est dévasté parce que Dieu les a rejetés. Et ils ont rejeté Dieu et Dieu les a livrés à leurs ennemis. Le deuxième point, pour montrer qu'à leur époque, ce n'est pas différent d'aujourd'hui, là. La religion, du verset 11 au verset 15. N'est-ce pas Dieu qui leur a donné cette religion? C'est les prescriptions de Moïse, là. C'est tout écrit dans Lévitique, là. Mais pourquoi Dieu est en horreur de ça maintenant? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Mon âme est. C'est rare qu'il dise ça dans la Bible. Je hais. Je lisais les commentaires de. C'est qui? MacArthur, quelque chose? Jean MacArthur. Ouais, c'est ça, merci. Qui est bon à compter le nombre de fois. Qui illustre les rares fois que Dieu le dit, je hais. Entre autres, le divorce. Je hais le divorce. Je hais la répudiation, la malachie. Et là, il est rendu à dire, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Si je suis juif et que je lis ça, je me suicide. Il dit, mais voyons donc, il n'y a pas d'espérance. Il n'y en a pas. La relation est brisée. C'est ça le portrait. Ça va revenir assez souvent. Avec des paroles de consolation aussi dans les livres. Mais initialement, quand Ésaïe écrit le chapitre, hein, le portrait qu'il dresse, c'est le portrait d'un peuple qui a abandonné Dieu et qui par conséquent va mal. Mais Dieu continue de les aimer, de leur parler. La preuve, la manière qu'il parle, ça dénote beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, il n'est pas obligé de parler, mais il leur parle. Peux-tu continuer, Mathias? Et ce qui apparaît aussi dans ce chapitre, c'est l'appel à la repentance. Versets 7, 17, 18, 19 et 20. Ils ont rejeté Dieu. Ils sont envahis. Une partie est partie en captivité. Le pays va mal. La gloire de Jérusalem ne resplendit pas comme avant. Mais Dieu les appelle à la repentance. Le chemin n'est pas fermé. Il ne les a pas abandonnés. Il n'a pas abandonné son alliance. Il est fidèle à son alliance. Il n'a pas renié Abraham. Il n'a pas renié Isaac. Il n'a pas renié Jacob. Il n'a même pas renié David et son trône. Malgré que tous ceux qui sont venus après lui, c'était cousin-cousin. Avec quelques exceptions près. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la solution? Parce que quand on parle de ça, ça semble dramatique sans solution. C'est quoi la solution? Qu'est-ce que Jésus dit? Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Au lieu de venez et plaidons, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes, et qu'est-ce que je vais faire pour vous? Esaïe qui prêche à l'entendre, c'est la même chose qu'il dit. C'est la même chose que Dieu dit. Revenez à moi, repentez-vous, changez d'attitude. Le feu de l'enfer, ce n'est pas pour nous que Dieu l'a fait. C'est pour le diable. Donc, changez d'attitude à l'égard de Dieu. Apprenez à faire le bien. Cessez de faire le mal. Et en plus, au verset 18, après avoir dit « Venez et plaidons », il dit « Si vos péchés... » C'est pourquoi j'ai mis ma diapo en rouge, là. Montrer la couleur cramoisie, c'est ça? Si vos péchés sont, je ne sais pas de quelle teinte, malgré toutes vos la multiplication des révoltes et des rébellions, je suis prêt à vous pardonner si vous revenez à moi. Et vos péchés deviendront blancs comme la neige. Si j'enseignais ça en Afrique, je dis comme la neige, on dit, boy, on ne peut pas y visualiser ça. Mais ici, je pense que quand on dit comme la neige, bah oui, hein. Des fois, ça, c'est tellement blanc que ça brille. Ça veut dire qu'il fait fret. Si vous avez de la bonne volonté et êtes docile, si on se laisse transformer par Dieu, si on se laisse toucher par Dieu, peu importe la profondeur du péché. Et il suffit de lire l'histoire d'Israël pour comprendre la gravité de leur péché. Et comprendre par conséquence la profondeur de la grâce de Dieu. Si ça c'était vrai au temps d'Ésaïe, si moi je suis Israël, que je reviens, comme disait Landry, de captivité, je n'avais pas lu le livre d'Ésaïe en partant, mais là je reviens, je le lis, je dis, oh boy, mais je suis consolé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution, de réconciliation, de rétablissement qui soit impossible à Dieu. Mais si vous résistez, là, j'ai dit à Christophe, je vais m'arrêter à la grâce, je ne vais pas dire ça. Il m'a dit, non, tu vas faire le prédicateur de l'enfer. Si vous résistez, si on résiste, ici, c'est une prophétie immédiate, hein, parce qu'il y a un ennemi qui les entoure, ça dit, vous serez dévorés par l'épée, là. Ça, c'est vrai. Et oui, ça va s'accomplir. Mais par contre, nous, si on résiste, ce n'est pas que les Russes vont nous attaquer ou les Américains. La conséquence est plus grave pour nous. Parce que Jésus est déjà mort sur la croix. Et qu'il n'y a plus d'autre sacrifice après ça. Si on rejette le Christ. Et pourquoi? Parce que ben, l'Éternel a parlé. C'est dit, c'est fait, c'est irrévocable. C'est irrévocable. Mathias, peux-tu descendre, s'il te plaît? Donc Dieu, après avoir dit à son peuple, regardez dans quel état vous êtes, regardez votre pays, comment il est, mais je suis prêt à vous pardonner. Venez à moi, venez. Venez. On va s'expliquer. Je vais vous rétablir. Je vais vous pardonner totalement, entièrement vos péchés. Mais ne tarie pas de promesses. Mais dans les promesses, il y a des promesses pour ceux qui croient. Il y a des promesses pour ceux qui ne croient pas. Donc, les ennemis de Dieu, ceux qui persévèrent dans la rébellion, recevront le salaire de la rébellion. Au verset 26, Israël, Jérusalem, qui était la prostituée, rien n'est impossible à Dieu. Il rebâtira, il rétablira, et sa gloire sera plus resplendissante que celle d'avant. Sion qui était la petite cabane au milieu de nulle part, parce que le pays est vide, habité et dévoré par des étrangers, il sera sauvé par la droiture. Donc, l'idée, et je m'arrête là, comme Jésus a dit en citant cet Ésaïe là, en citant les restes, pas le reste, ma mémoire est courte. En disant aux Juifs de son époque, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Je parle de Matthieu 15, 38, si je ne me trompe. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit : ce peuple m'honore des lèvres, son cœur est éloigné de moi. Si je ne les lis pas, l'André va être fâché. Chapitre 39, verset 13. 29, pardon, verset 13. Ésaïe 29, 13. Ouais. Ésaïe 29, 13. Nous ne voulons pas être de ce qui est dit ici. Le Seigneur dit : quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte et tradition humaine. C'est pas ça que nous voulons être. Alors ressaisissons-nous, réveillons-nous. Et Jérémie, qui vit un tout petit peu plus longtemps après Ésaïe, mais un tout petit peu avant la déportation, lui, il va être un peu plus... Il dit, Dieu dit dans Jérémie 5, 1, fouillez les villes, là, fouillez tout. Si vous trouvez un seul dans Jérusalem qui aime encore la vérité, qui pratique la justice, la droiture, un seul, un, je vous garantis que je pardonne à Jérusalem. Trouvez un, ben, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Mais Dieu s'est fait un peuple. Il s'est créé un peuple nouveau en Jésus-Christ qui lui appartient et qui lui est obéissant, qui ne le quitte pas pour servir d'autres dieux et qui lui est fidèle d'éternité en éternité. C'est nous qui sommes ce peuple. Alors fortifions-nous par la grâce de Dieu et persévérons dans la foi en Jésus-Christ. Amen.